Chapitre 12. Ce qui était écrit sur le ticket d'or. Charlie passa la porte en coup de vent. Il cria « Maman ! Maman ! Maman !» Madame Bucket était dans la chambre des grands-parents, en train de leur servir la soupe du soir. « Maman ! » hurla Charlie, en fonçant sur eux comme un ouragan. « Regarde, ça y est ! Ça y est, regarde ! Le dernier ticket d'or ! Il est à moi ! J'ai trouvé un peu d'argent dans la rue, alors j'ai acheté deux bâtons de chocolat, et dans le second, il y avait le ticket d'or. Et il y avait plein de gens autour de moi qui voulaient le voir. » Et le marchand est venu à mon secours. Et je suis rentré en courant et me voici. C'est le cinquième ticket d'or, maman. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Madame Bucket resta bouche bée. Tandis que les quatre grands-parents qui étaient assis dans leur lit, le bol de soupe sur les genoux, laissèrent tous tomber leurs cuillères à grand bruit et se cramponnèrent à leurs oreillers. Alors la chambre fut plongée dans un silence absolu qui dura 10 secondes. Personne n'osa parler ni bouger. Ce fut un moment magique. Puis, d'une voix très douce, grand-papa Joe dit « Tu te moques de nous, Charlie, n'est-ce pas ?» « Tu nous racontes ça pour rire ?»« Pas du tout !» cria Charlie. Il se précipita vers le lit en brandissant le superbe ticket d'or. Grand-papa Joe se pencha en avant pour le voir de plus près. C'est tout juste si son nez ne touchait pas le ticket. Les autres assistèrent à la scène en attendant le verdict. Puis, très lentement, le visage éclairé par un large et merveilleux sourire, grand-papa Joe leva la tête et regarda Charlie droit dans les yeux. Ses joues retrouvèrent leur couleur. Ses yeux grands ouverts brillaient de bonheur et au milieu de chaque œil, juste au milieu, au noir de la pupille, dansait une petite étincelle d'enthousiasme. Puis le vieil homme respira profondément et soudain, de façon tout à fait imprévue, quelque chose sembla exploser au fond de lui. Il jeta les bras en l'air et cria « Youpi !» Et à l'instant même, son long corps maigre quitta le lit, son bol de soupe vola à la figure de grand-maman Joséphine et dans un bond fantastique, ce gaillard de 96 ans et demi, qui n'était pas sorti du lit depuis 20 ans, sauta à terre et se livra en pyjama à une danse triomphale. « Youpi » cria-t-il. « Vive Charlie ! Hip hip hip, hurra !» À cet instant, la porte s'ouvrit pour laisser entrer M. Bucket, visiblement fatigué et mort de froid. Il avait passé la journée à pelleter la neige dans les rues. « Sapristi !» cria M. Bucket. « Que se passe-t-il » Ils le mirent au courant sans attendre. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-il. « Ce n'est pas possible !»« Montre-lui le ticket, Charlie !» cria grand-papa Joe, qui tournait toujours en rond, comme un derviche, dans son pyjama à rayures. « Fais voir à ton père le cinquième et dernier ticket d'or du monde !»« Fais voir, Charlie !» dit M. Bucket. Il se laissa tomber sur une chaise et tendit la main. Charlie s'avança pour lui présenter le précieux document. Qu'il était beau, ce ticket d'or, fait à ce qu'il semblait d'une plaque d'or fin, presque aussi mince qu'une feuille de papier. Une de ses faces portait, imprimée en noir, par quelque système astucieux, l'invitation rédigée par M. Wonka. « Lis-la à voix haute !» dit grand-papa Joe, en regagnant son lit. « Écoutons tous cette invitation !» Monsieur Bucket approcha le ticket d'or de ses yeux, ses mains tremblaient un peu. Il était visiblement ému. Après avoir respiré très fort, il s'éclaircit la gorge et dit « Bien, je vais vous le lire. Voilà. « Heureux gagnant de ce ticket d'or, Monsieur Willy Wonka te salue. Reçois ta chaleureuse poignée de main. Il t'arrivera des choses étonnantes. De merveilleuses surprises t'attendent, car je t'invite à venir dans ma chocolaterie. Tu seras mon invité pendant toute une journée, toi et tous les autres qui auront eu la chance de trouver mes tickets d'or. Moi, Willy Wonka, je te ferai faire le tour de mon usine. Je te montrerai tout ce qu'il y a à voir, et ensuite, au moment de nous quitter, une procession de gros camions t'escortera jusqu'à chez toi, et ces camions, je te le promets, seront pleins des plus délicieux comestibles, pour toi et pour toute ta famille. De quoi vous nourrir pendant de nombreuses années. Si à un moment ou à un autre, tes provisions venaient à s'épuiser, il te suffirait de revenir à l'usine et sur simple présentation de ce ticket d'or, je me ferai un plaisir de regarnir ton garde-manger. De cette manière, tu seras délicieusement ravitaillé jusqu'à la fin de tes jours. Mais je te réserve d'autres surprises tout aussi passionnantes. Des surprises encore plus merveilleuses et plus fantastiques à toi et à tous mes chers détenteurs de tickets d'or. Des surprises mystérieuses et féeriques qui t'enchanteront, qui t'intrigueront, te transporteront, t'étonneront, te stupéfieront outre mesure. Jamais, même dans tes rêves les plus audacieux, tu n'imagineras de telles aventures. Tu verras. Et maintenant, voici les instructions. Le jour que j'ai choisi pour la visite est le premier du mois de février. Ce matin-là uniquement, tu te présenteras aux portes de la chocolaterie à 10 heures précises. Tâche d'être à l'heure. Tu as le droit d'être accompagné d'un ou deux membres de ta famille afin qu'ils prennent soin de toi et qu'ils t'empêchent de faire des bêtises. Et surtout, n'oublie pas ce ticket, car sans lui, on ne te laissera pas entrer. Signé Willy Wonka. « Le 1er février !» s'écria Madame Bucket. « Mais c'est demain, puisque nous sommes aujourd'hui le dernier jour de janvier. Sapristi, dit Monsieur Bucket. Je crois que tu as raison. Ce n'est pas trop tôt, s'écria grand-papa Joe. Pas une minute à perdre. Dépêche-toi, prépare-toi, lave-toi la figure, donne-toi un coup de peigne, décrase-toi les mains, brosse-toi les dents, mouche-toi, coupe-toi les ongles, cire tes chaussures, repasse ta chemise et par l'amour du ciel, enlève toute cette boue de ton pantalon. Soigne-toi, mon garçon. Pense avoir l'air correct, puisque c'est le plus grand jour de ta vie. Ne vous excitez pas trop, grand-père, dit Madame Bucket, et ne troublez pas ce pauvre Charlie. Gardons tous notre sang-froid. Premièrement, qui accompagnera Charlie à la chocolaterie ? Moi ! Hurla grand-papa Joe, sautant une nouvelle fois hors du lit. C'est moi qui l'accompagnerai. Laissez-moi faire ! Madame Bucket sourit au vieillard, puis elle se tourna vers son mari. Qu'en penses-tu, mon cher ? Ne serait-ce pas plutôt à toi de l'accompagner ? Eh bien, dit Monsieur Bucket, d'une voix hésitante. Non, je n'en suis pas si sûr. Mais il n'y a pas de mais, ma chère, dit doucement Monsieur Bucket. Remarque, je serais très heureux d'y aller. Ce serait extrêmement passionnant. Mais d'un autre côté, je pense que celui qui mérite vraiment d'accompagner Charlie, c'est grand-papa Joe. Il faut croire qu'il s'y connaît mieux que nous, pourvu qu'il se sente en forme, naturellement. « Youpi !» hurla grand-papa Joe. Il attrapa Charlie par les mains pour l'entraîner dans une danse folle. « Il est en forme, ça ne fait pas de doute, » dit en riant Madame Bucket. « Oui, tu as peut-être raison, après tout. C'est peut-être bien grand-papa Joe qui doit l'accompagner. En ce qui me concerne, je ne pourrais certainement pas laisser seuls les trois autres grands-parents pendant toute une journée. » « Alléluia !» hurla grand-papa Joe. « Dieu soit loué !» À ce moment, on frappa fort à la porte d'entrée. Monsieur Bucket alla ouvrir, et l'instant d'après, des essaims de journalistes et de photographes vinrent remplir la maison. Ils avaient déniché le gagnant du 5e ticket d'or, et maintenant tous voulaient en parler longuement en première page des journaux du matin. Pendant des heures, la petite maison ressembla à une véritable tour de Babel. Ce n'est que vers minuit que Monsieur Bucket parvint enfin à se débarrasser d'eux et que Charlie, lui, put aller se coucher.